Ouais, les échangeurs d'air avec vous jusqu'à 22h. Michel Barcou, microphone de Jean-Philippe Boisbriand, fait tout avec la sélection musicale cette semaine. Il nous a prévu on s'en va en France, oui, là, on est dans peut-on dire la pop française en partie et un petit peu d'autres choses. Ensuite, on s'en va un peu dans le crowd rock et d'autres choses, et ensuite dans des trucs de films et autre chose. Et pour y aller complètement, nous y allons tout de suite. Se laisse faire de toutes les matières. 5h du mat, j'ai des frissons. Je claque des dents et je monte le son. Seul sur le lit dans mes draps bleus froissés, c'est l'insomnie, sommeil cassé. Je perds la tête et mes cigarettes sont toutes fumées dans le cendrier. C'est plein de Kleenex, c'est bouteille vide. Je suis tout seul, tout seul, tout seul. Pendant que Boulogne se désespère, j'ai de quoi m'emplir un dernier verre. Claque, fédéré en tombant sur le lino. Je me coupe la main en ramassant les morceaux. Je stérilise les murs qui dansent. L'alcool s'agrippe et ça commence. Et à ce moment-là, qu'est-ce que vous avez fait? Casse-toi. Chacun fait ce qui lui plaît. Précipice est au bout. Précipice, on s'en fout. Chacun fait ce qui lui plaît. Toutes les étoiles qui brillent. Qu'est-ce qu'elles ont à me dire, les étoiles? 6h du mat, faut que je trouve à boire. Liqueur forte ou café noir. Je brûle un feu rouge, police patrouille. Je serre les fesses, y'a rien qui presse. 4, 5, prends ma rose, crie le petit chose dans le matin rouge, car mon nom dit sous ses gontines. Hey, qu'est-ce que t'as, qu'est-ce que t'as? Tout près d'une poste, y'a un petit bar. Je pousse la porte et je viens m'asseoir. 3, 4 patibulaires, tape le carton dans les water. Toute seule au bar, dans un coin noir, une blonde platine, sirote sa finale. Champagne. Je l'accompagne, elle dit 50. Je lui dis ça me tente. Et vous êtes rentré comment? À la prochaine, je t'en ai une. Que de pression dans les bars. Personne ne pousse à boire. Chacun fait ce qui lui plaît. Légende, c'est manie. Pépé calcomanie. 7h du mat, l'hôtel. Je paie, j'abrège. Je fouille mes poches. Je sais c'est moche. Son sourire rouge, son corps qui bouge. Elle fait glisser son cœur croisé sur sa peau bronzée. T'as les banilons qui filent sous les redons. Ses ongles m'accrochent, tu viens chérie. Le lit qui craque et les volets claquent. Seule sur le lit dans ses draps bleus froissés. Sur sa peau lisse, mes doigts glacés. Elle prend la pause, pense à autre chose. Ses yeux miroirs envoient mon regard. Des anges pressés dans ce bleu glacé. Ils me disent c'est l'heure, je leur dis quelle heure. Et vous vous souvenez vraiment pas de ce qui s'est passé? Non. Chacun fait ce qui lui plaît. Sous mes pieds, il y a la terre. Sous tes pieds, il y a la terre. Chacun fait ce qui lui plaît. Mon Dieu, je peux même pas jouir. Tant pis pour toi, il faut dormir. Alors je me sauve dans le matin gris. C'est un cajot et pas de taxi. Les chats qui se tapent leurs petits ronrons. Les éminences, les petits bateaux. Bonne la chapelle, je me sens pas belle. Mes bigoudis sont plus en plus. De mon studio, j'aspirateur. Ma vidéo me fait un peu peur. Madame Pipi, y a des zombies. Monsieur Papa se fait des tracas. Dans les logis, des maladies. Pépé vomit, ça bouillit. Wither Wat, j'ai des frissons. Je claque des dents et je monte le son. Seul sur le lit de mes draps froissés. C'est l'insomnie, ça m'est passé. Je perds la tête de mes cigarettes. Sont toutes fumées dans le cendrier. C'est une Kleenex, c'est de bouteille vide. Je suis toute seule, toute seule, toute seule. Ouais, ça commençait comme ça, les échangeurs pour cette semaine. La semaine passée, on était un peu dans le cowboy dépressif, et cette semaine, on est dans la pop rose bonbon francophone. Alors, main dans la main, c'était Élie Jacquenot sur l'album Tout va sauter de 1980. Alors, duo fondé au début des années 80 par Élie Medeiros et Denis Quillard, alias Jacquenot. Quelques succès quand même. Aussi, puis évidemment, Élie Medeiros a continué sa carrière par la suite. Jacquenot lui est décédé en quelle année? Bon, il n'y a pas... 2009, non? Quelque chose du genre, je vais vérifier tout de suite ici, regardez, grâce à la magie de l'informatique, 6 novembre 2009, voilà. Alors, ensuite, nous sommes passés à Démodé de la célèbre Janou. C'est une chanson de 1982 sur une compilation de Vidal Benjamin qui présente Pop Sympathie 2019. Et lui avait déjà fait une autre compilation qui s'appelait Disco... voilà... Pop Sympathie, fait Disco Sympathie d'abord. Puis il y a toutes sortes de trucs là-dessus et on... De la pop française, c'est ça. Alors, c'est un ethnomusicologue du récent. Voilà, il fait de la recherche, il trouve des trucs comme cette Janou qui chante démodé alors qu'elle avait 9 ans, à peu près, qui raconte cette histoire avec le type qui est pas fin avec elle, mais qu'un jour c'est lui qui sera à ses pieds. Stella nous faisait Non Non Jean-François sur Fuite au prochain lavabo de 1986. On en met régulièrement, alors je vous en parle plus. Lio nous faisait Banana Split, Lio 1980. Elle avait 16 ans à l'époque. De son vrai nom, moi j'aime beaucoup son vrai nom. Vanda Maria Ribeiro Furtado Tavares de Vasconcelos. Et comme j'ai peu de temps pour le micro, ben, j'aurai eu le temps de dire son nom. Twin Six nous faisait Vivre sur vidéo, Living on Video de 1983. Alors Pascal Languirand, oui, le fils de Jacques, qui avait sorti ça avec son groupe Train 6 avant de quitter le groupe, mais il en a refait une version de tout ça en 2003. Puis c'est un truc qui a eu un assez bon succès. Quand même, on a connu ça, on l'a entendu par des voix officielles. Caroline Leb nous faisait C'est la Watt, qui a été un succès de 1986. Elle fait beaucoup de choses. Actrice, animatrice de radio, chanteuse, metteuse en scène, auteur, parolière. Puis elle a été styliste pour des pochettes de disques, de trucs comme Téléphone, par exemple, Alain Chamfort, et toutes sortes de trucs comme ça. Et on a terminé avec Chagrin d'amour, qui nous faisait Chacun fait ce qui lui plaît. Chagrin d'amour de 1982. Grégory Ken et Vali, c'est qui étaient les deux membres de ce groupe. Grégory Ken, qui lui aussi est décédé en 96, qui est un chanteur français qui s'appelait Jean-Pierre Trochu. Voilà. Et Vali, elle, son vrai nom était quoi, Vali? C'est une Américaine. Une Américaine qui est née à New Haven et qui a fait une carrière beaucoup comme animatrice de télé et de radio française. Elle est d'origine, évidemment, vous l'aurez deviné, américaine, Valérie Timber, qu'elle s'appelle comme ça. Et ensuite, on s'en va un peu plus du côté de ce qui pourrait être du krautrock. lâcher totale flotte. This is your life. Call. We'll be right back. Des échangeurs d'air avec vous toujours jusqu'à 22h. Vous aurez facilement compris que nous avons quitté la pop rose bonbon française pour aller du côté d'abord de Faust qui nous faisait de Sad Skinhead sur Faust 4 de 1973. Faust est un groupe formé en 71 à Wum en Allemagne de l'Ouest. Il y avait comment il s'appelait donc Werner Zappi, Dirmeyer, Jean-Hervé Perron. Qui est encore là, il y a eu Hans-Joachim Himmler, Rudolf Sosna et deux autres. Et, ils ont eu produit une vingtaine de disques depuis 1971. J'ai pas écouté des trucs récents de Faust, je sais pas si Jean-Philippe a dû le faire, mais comme on n'en met pas de récents, j'imagine qu'il aime moins la nouvelle mouture. Voilà, on peut peut-être dire ça comme ça, mais c'est une supposition. Clans Juan Grobe. Alors c'est un groupe suisse qui explore. Voilà, est-ce qu'on pourrait dire qu'ils explorent, Jean-Philippe? Oui, ils explorent. J'ai essayé de trouver plus d'informations sur eux, comme je cherchais leur nom. Par exemple, ça a l'air drôle comme ça, mais je cherchais leur nom. Puis je les ai pas trouvés, j'ai pas trouvé les noms, mais je peux vous dire où ils vont en tournée. Mais je ne le ferai pas parce que je ne travaille pas pour ce groupe. Glaxo Babies nous faisait This Is Your Life sur Put Me On The Guest List de 1980. Glaxo Babies, qui est un groupe qui est basé à Bristol, qui a été actif de 78 à 80, et ensuite ont repris de 85 à 90. Comment on pourrait les qualifier? Post-punk? C'est difficile à dire, mais on dit post-punk. Puis le post-punk pour moi est un genre légèrement trop étendu, si on pouvait le qualifier de genre. Alors, j'ai évidemment, le punk a eu une grande influence, mais pas de là à ce que tout soit post-punk, comme ça. Puis, on en a mis quand même quelques fois de nos amis Glaxo Babies, comme ça, ce qui ne nous empêche pas de mettre aussi, une fois de temps en temps, parce que c'est nécessaire à notre équilibre mental, Brian Eno et David Byrne, My Life in the Bush of Ghosts de 81. Cette fois-ci, c'était la pièce de Jezebel Spirit. C'est un album qui... et né de la collaboration de Brian Eno et David Byrne. Il en existait une version avant qu'Eno arrive. Puis Eno a mis ça un peu à sa main aussi, ce qu'il a fait d'ailleurs pour les albums de Talking Heads, les premiers albums où il a travaillé avec avec le groupe, jusqu'à ce qu'on le trouve peut-être quand même à la limite presque encombrant à un moment donné, parce que c'est... Bon, en fait, et autant il est bon, autant il peut prendre de la place comme ça. Il y avait des trucs vraiment tellement intéressants sur ce truc. Donc, un truc que je savais pas, c'est que il y a la piste 6 a été changée, celle qui s'appelait Couronne a été changée puis remplacée par Very Very Hungry sur la face B du vinyle original, réédité, ça a été réédité en 2006, et ça a été confirmé donc par David Byrne qui avait éliminé cette partie-là à la suite de Islamic Council of Great Britain, qui possiblement n'aimait pas tout à fait l'utilisation qu'on faisait du Coran dans la pièce. Aksak Maboul nous faisait A Modern Lesson, un peu de l'âme des bandits. Là, Aksak Maboul, c'est un coup de cœur qu'on a eu il y a longtemps. Ça a commencé avec 11 danses pour combattre la migraine. Le groupe a été fondé par Marc Hollander et Vincent Kellis. Et dans ce qu'on a entendu tantôt, on entend l'influence de Fred Frith et de Chris Cutler, qui était dans du groupe Henry Cow à l'époque. C'est de la musique que tout, je sais pas, pour moi, c'est complexe, complet et émotif. Il y avait Véronique Vincent, parce que bon, ils sont fusionnés avec les Tueurs de la Lune de Miel. Il y avait Véronique Vincent qui est arrivée, et puis ça a amélioré les choses encore. Évidemment, on ne peut pas passer sous silence Cram Disc, la maison de disques créée par Marc Hollander, qui a produit une tonne de super trucs. Ensuite, nous avons terminé avec Skeleton Crew, The Way Things Fall Back Apart, sur Learn to Talk de 1984. Là, on touche à quelque chose de très drôle, Skeleton Crew. Au début, on avait Fred Frith et le violoncelliste Tom Cora. Puis la harpiste de Zina Parkins. À un moment donné, se sont joints à eux Fred Maher et Tim Schellenbaum, qui étaient incapables de jouer pendant 2 semaines. Alors Fred Frith et Tom Cora ont continué tout seuls, les deux. Puis on pourrait dire que c'est un. C'est deux qui jouent en solo plutôt qu'un duo réellement. Mais moi, je les avais vus dans une salle dont je me souviens même pas le nom, sur la rue Saint-Jean, qui est un sous-sol près de la rue Cartier. Non? Puis c'était vraiment... on parlait de faire le son de ce groupe-là tout à l'heure avec Jean-Philippe, qui avait eu à le faire. Et ça pouvait ne pas être simple, par moment, de savoir où ils allaient se retrouver. Et ils sont beaucoup tournés quand même partout dans le monde. Et ils sont venus, Fred Frith est venu régulièrement au festival de Victoriaville. Il est venu à Québec, probablement lors de cette tournée-là, il était venu et au Cégep Sainte-Foy et dans cette salle dont j'oublie le nom. Puis ils ont tourné aux Pays-Bas, puis ils se sont promenés un peu partout, au Japon, entre autres. Fred Frith est un amateur de tout ce qui touche le Japon. Qu'est-ce qu'on va avoir pour finir? Ben là, on va s'en aller plutôt dans la musique de film. Musique de film et d'autres choses. We'll be right back. you don't love me. Cannot forsake this dreadful beast. A vampire nomad, a melting snowman. I'm kissing your hand. On full moon days on my stronghold, a lonely child in the corridor. Torture. Oh, Ah oui, ben c'est ainsi que ça se termine pour nous. Alexandre Bélanger est là pour agression par le son, qui devrait commencer, si tout est normal, à 22h. Et aujourd'hui, pour terminer, nous sommes allés du côté de l'horreur, avec une musique de Daniele Patucci et Il Sesso della Strega, The Sex of the Witch en anglais. C'est là, tiré de la bande originale du film du même nom. The Big Dream, c'était David Lynch qui, oui, fait un peu de musique. C'est tiré de The Big Dream de 2013. Évidemment, résumer la carrière de David Lynch, ça devient difficile. Il a fait trop de choses et ce petit bout-là s'ajoute le fait d'être musicien. Les Lèvres Rouges, c'était François de Roubaix. Sur la bande originale du film Les Lèvres Rouges de 1971, qui est un film dans lequel on retrouve, Daniel Ouimet. Alors, c'est un film de 1971. François de Roubaix, qui est décédé malheureusement très tôt, à 36 ans, en faisant de la plongée aux îles Canaries, a fait de la musique de film, dont des trucs vraiment importants comme Les Grands Fusils, le Vieux Fusil, pardon, la Skumoun, Les Grandes Gueules, Le Samouraï, Dernier Domicile Connu, beaucoup de très bonnes choses. Mike Patton et Jean-Claude Vanier nous faisaient Hungry Ghost sur Corpse Flower, qui vient de sortir il y a deux semaines, donc un disque de 2019. Et là, on se retrouve avec un type, Mike Patton, qui chanteur, compositeur, acteur aussi. Il a joué dans Faith No More, Fantomas, Tom Hawk et Mr. Bungle aussi. Et il est combiné à notre ami Jean-Claude Vanier, qui a maintenant 76 ans et dont la carrière. On a des trucs comme les arrangements de cordes de Melody Nelson de Gainsbourg. Alors, sa carrière s'étend sur très longtemps. J'ai été très surpris de voir cette combinaison et heureux. Et Jean-Philippe nous assure que l'enregistrement de ce disque est absolument impeccable. Goblin nous faisait Suspiria, tiré de la bande originale du film Suspiria de 1977. Film marquant pour beaucoup de gens. Et Goblin, ben, c'est un groupe italien qui était influencé au départ par Genesis, King Crimson, qui ensuite ont fait toutes sortes de musique de films et évidemment du rock progressif à leur goût. Oui, disons-le comme ça. Ils ont fait la bande originale du film Zombie de Romero. Histoire de cannibale aussi, l'enfer des armes et toutes sortes de trucs comme ça, donc beaucoup de musique de film et des trucs à eux aussi, donc en fait, et là on a écouté Suspiria et une deuxième version de Suspiria, cette fois de la bande originale du film de 2018, c'est Tom York de Radiohead qui nous a fait la pièce As Ended. Tom York qui fait beaucoup de choses à part Radiohead. C'est ça, donc dans Atoms for Peace. Évidemment, il est actif dans la lutte pour les droits de l'homme et dans la défense de l'environnement. Puis, il se promène, il joue, puis il fait de la musique de film maintenant. Je sais pas si on faisait avant, Jean-Philippe, on n'en a aucune idée, mais somme toute, Tom York qui nous a permis de terminer sur une note d'horreur cette sympathique émission.